Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la montée du conservatisme aux États-Unis. Ensemble, nous allons redonner à l'Amérique sa force. Nous allons redonner à l'Amérique sa prospérité. Nous allons redonner à l'Amérique sa fierté. Nous allons redonner à l'Amérique sa sécurité. Et oui, ensemble, nous allons redonner à l'Amérique sa grandeur. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Donald Trump, le jour de son investiture comme président des États-Unis, le 20 janvier 2017, cette idée de redonner toute leur fierté aux Américains n'est pas nouvelle, et même si on a parfois l'impression qu'un vent de conservatisme nouveau a balayé les États-Unis avec l'élection de Donald Trump, en réalité, cette idée de grandeur retrouvée que le président promet aux Américains est exactement la même et exprimée avec les mêmes mots que ce que promettait avant lui Ronald Reagan déjà en 1980. De fait, on peut dire que le virage à droite qu'on observe actuellement aux États-Unis a commencé dès la fin des années 1960. Il faut écouter soigneusement ce que dit George Bush, car comme Ronald Reagan, il croit ce qu'il dit, il le croit profondément, il a quelques idées auxquelles il va se tenir. Et alors ces idées, quelles sont-elles ? Il y a trop de gouvernements. Ronald Reagan disait, le problème n'est pas ce que devrait faire le gouvernement, le problème c'est le gouvernement. Donc le gouvernement fédéral est trop présent. Élisez-moi pour que j'en fasse le moins possible. Je caricature, mais c'est un peu ça. Le gouvernement doit être local et les intérêts des Américains sont représentés au niveau local. Et le pouvoir local, on le sait, il est généralement réactionnaire. Et puis, une confusion tout à fait volontaire entre Église et État, entre morale publique et morale privée, des appels à Dieu qui sont extrêmement insistants. Alors, je ne sais pas s'ils ont une ligne directe, mais en tout cas, ces deux présidents semblent le croire. Et c'est un peu ce qui révulse d'ailleurs les fameux libéraux au sens américain, donc les gens de gauche de la côte Est, qui voient dans cette dérive de confusion entre l'Église et l'État une véritable trahison des idéaux de départ de la Révolution américaine. Alors curieusement, cette vision très morale, elle s'accompagne en politique étrangère, ma foi, d'un pragmatisme assez dénué de tout souci moralisateur. Extrait de l'émission « Concordance des temps » diffusée à France Culture en juillet 2001, c'est l'historienne Nicole Baccarin que vous entendiez comparer les présidences de Ronald Reagan et celle de George W. Bush dans cet extrait pour nous parler de cette montée de la droite aux États-Unis depuis la fin des années 60, un mouvement auquel on peut associer Ronald Reagan, George W. Bush, mais aussi d'autres présidents, Richard Nixon, George Bush père ou Donald Trump, par exemple. Je reçois Jean-Pierre Le Glonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Bonjour. Quand et dans quel contexte, ça peut étonner qu'on situe ce début de montée du conservatisme aux États-Unis à la fin des années 60, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Je dirais même début des années 60, en fait, le grand paradoxe de la montée du conservatisme, c'est qu'elle elle a lieu au moment où le liberalisme, enfin le libéralisme de gauche, semble triompher au début des années 60. En 1964, Lyndon Johnson est élu de manière triomphale contre le sénateur de l'Arizona, Barry Goldwater, et Barry Goldwater incarne alors un conservatisme déchaîné, un conservatisme à l'extrême, un conservatisme aux antipodes du républicanisme modéré et classique d'un Dwight Eisenhower. Et au fond, en 1964, les commentateurs sont persuadés que le conservatisme n'a aucun avenir. Ouais. Et bien c'est justement lors de cette défaite en 64 que le conservatisme commence à émerger. Et en fait, ce conservatisme, il émerge en réaction justement à ces politiques très libérales de Johnson, de Kennedy un peu avant lui. Le segment de la population américaine plus conservateur est en réaction à ces politiques libérales. Absolument. En fait, le Parti démocrate est persuadé d'être au pouvoir pour au moins une trentaine d'années, tant le soutien de la population à ses politiques en faveur des droits civiques, en faveur des femmes, en faveur des autochtones, en faveur des plus pauvres, tant la population semble être favorable, ouais, à toutes ces politiques sociales. Johnson parle de guerre à la pauvreté et il semble être sur le point de la gagner, cette guerre à la pauvreté. Or, au fur et à mesure que les années 60 passent, la peur s'installe, la polarisation s'installe, et la société américaine se divise. Elle se divise sur la contre-culture, elle se divise sur la guerre du Vietnam, elle se divise sur les questions de discrimination positive, elle se divise parce que, finalement, une grande partie de la population blanche aux États-Unis perd le pouvoir. Elle se sent menacée, cette absolument. Population-là. Elle se sent menacée, et à la fin des années 60, l'Amérique est en guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais. Et c'est les politiques de discrimination positive qui commencent à indisposer les Blancs, cette majorité blanche et cette partie plus conservatrice. C'est quoi le transport mixte dans les autobus? Des choses comme ça. Oui, je pense que la classe moyenne blanche en général et la classe ouvrière blanche se sent lésée. Bon, elle ne comprend pas très bien pourquoi les populations afro-descendantes devraient bénéficier de politiques gouvernementales, d'accès à l'emploi par exemple, ou de politiques d'accès au logement plus favorables que les Blancs, sous prétexte qu'ils ont été discriminés pendant 200 ans et victimes d'esclavage entre le début du XVIIe siècle et puis 1865. Donc une incompréhension s'installe et surtout une certaine hantise du déclassement s'installe au fur et à mesure que les Noirs américains, les autochtones, les femmes, les gays, lesbiennes, transgenres obtiennent des droits. Ouais. Il y a une première victoire politique qui déjà est significative de la droite américaine. C'est relatif parce que c'est l'élection de Richard Nixon. Il devient président en 69. C'est relatif parce que Nixon, bien sûr, a un côté très progressiste. Il y aura des politiques très libérales, très progressistes sous cette administration Nixon. Mais il a aussi un côté très conservateur, populiste, un conservatisme moral. Ça, on va le voir durant la loi et l'ordre, durant son mandat. Pourquoi c'est déjà important dans cette histoire de la montée de la droite aux États-Unis, l'élection de Nixon, Jean-Pierre Le Glenet? Alors, il est certain que Nixon n'est pas particulièrement aimé par la droite très conservatrice. On estime en effet qu'il est toujours favorable aux politiques gouvernementales. Mais par contre, Nixon parvient à réunir autour de lui une coalition nouvelle, la coalition de la majorité dite silencieuse, hein, celle qui ne participe pas aux concerts de rock alternatif, qui ne consomme pas de drogue, qui est favorable à la guerre du Vietnam. Hein. Il semblerait que la majorité silencieuse triomphe en 1968. Alors, majorité silencieuse, que l'on appelle également « middle Americans hein, », ce seraient les Américains du milieu, les Américains du Midwest, du Sud en particulier, et de l'Ouest. Il les courtise, ces gens-là, Il les courtise, bien sûr, et il leur promet, enfin, le retour de la loi et l'ordre. Après l'assassinat de Martin Luther King, après l'assassinat de Robert Kennedy, après des drames à répétition dans les années 1960. Ouais. Et ça va se traduire, ce qui est fabuleux, c'est que le reflet de cette mouvance politique de droite, on l'entend, mais littéralement, très concrètement, dans la culture populaire, dans les chansons qui seront des succès dans ces années. On est dans ce cas-ci précisément en 1969. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take no trips on LSD. We don't burn no draft cards down on Main Street. We like living right, being free. And we don't make no party out of loving. We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. Cette chanson de Merle Haggard, Okey from Muskogee, ça va connaître un très, très grand succès en 1969, Jean-Pierre Le Glenec. Revenons sur ce que nous dit cette chanson et ce qu'elle nous dit surtout sur... ce qu'elle nous dit littéralement et ce qu'elle nous dit sur l'état d'esprit ambiant aux États-Unis à la fin des années 60. En 69, quand l'Amérique est en guerre, je le répète, 69, c'est Woodstock. Et on a l'impression qu'à travers Woodstock, et finalement, toute l'Amérique est réunie autour de la paix, de l'amour et de la consommation de drogue. Or, Merle Haggard, qui a lui-même une enfance très difficile, adolescence, il passe beaucoup de temps en prison, il consomme de l'alcool, de la drogue. Lui-même chante en 69 une sorte d'ode à l'Amérique du milieu, une Amérique qui ne fume pas de marijuana, une Amérique qui ne consomme pas de LSD et surtout une Amérique qui est en faveur de la guerre du Vietnam, qui n'est pas opposée à cette guerre patriotique. La chanson est extrêmement populaire. Richard Nixon invite le chanteur à la chanter en 1973 à la Maison Blanche. C'est vraiment l'hymne du conservatisme dans les années 1970. Mais bien plus tard, dans les années 80-90, elle reste cette hymne l'hymne du conservatisme, de la nouvelle droite qui s'assume au début des années 70. Il y a d'autres manifestations, puisqu'on est dans ce rayon de la culture populaire. Easy Rider, c'est assez parlant aussi. Oui, bien sûr. Easy Rider, c'est la même année, 1969. Et le film retrace le parcours de deux personnages qui est incarné par Peter Fonda et Dennis Hopper, qui traversent l'Amérique de San Francisco, de Los Angeles, pardon, à la Nouvelle-Orléans. Et leur quête de l'Amérique, leur quête d'une Amérique juste, est un échec. Ouais. Hein, tout ce qu'ils trouvent, c'est la mort. Donc, finalement, le libéralisme classique de gauche chute, alors que le conservatisme, lui, triomphe. Ouais. Il y aura, évidemment, bon, Nixon est au pouvoir, il incarne lui-même ses valeurs sur le plan moral de droite. La lutte à la drogue, la lutte contre la drogue, ce sera une des grandes affaires de Nixon, puis d'autres reprendront cette histoire-là après, Reagan et d'autres. Mais il y aura cette interruption subite dans le parcours de Richard Nixon avec le scandale du Watergate. Démission en 1974, c'est Gerald Ford qui va hériter de la Maison-Blanche. Les Républicains vont perdre la Maison-Blanche aux mains du démocrate Jimmy Carter en 1976. Mais dès la démission de Nixon, Jean-Pierre Le Glenec, la nouvelle droite américaine prépare son retour des années 80 qu'elle va vivre avec Ronald Reagan. On écoute à ce propos un extrait de la série documentaire d'Oliver Stone, Une autre histoire de l'Amérique. La chute de Nixon a provoqué la fureur des ultra-conservateurs du nouveau parti républicain et leur a donné des envies de revanche. La colère légendaire de Nixon est devenue la leur. Les conservateurs dirigent maintenant cette colère contre le gouvernement. Ils reprochent à ceux qu'ils appellent les médias libéraux d'avoir joué un rôle toxique pendant la guerre du Vietnam et au moment de la chute de Nixon. Un réseau constitué d'experts conservateurs et de riches fondations se met en place et investit des sommes considérables pour parvenir à ses fins. Ils souhaitent entre autres revenir au concept de privatisation qui, selon eux, a été détruit par la politique du New Deal de Roosevelt. Les anciens ennemis de Roosevelt, les nantis, sont de retour. Ce réseau émergent n'a que faire d'un homme modéré comme Ford et n'a qu'une hâte, mettre à la Maison-Blanche un véritable homme de droite comme l'ancien gouverneur de Californie, Ronald Reagan. C'est donc Jean-Pierre Le Glenec. Ça, c'est assez fascinant avec le recul. Dès le milieu des années 70, dès le moment où Nixon démissionne, que cette nouvelle droite américaine prépare son grand retour, son vrai retour, en fait. Tout à fait. C'est la fin du consensus libéral. Lorsque Nixon chute, Reagan est sur les rangs, bien sûr. La droite, la nouvelle droite, est derrière Reagan. Elle entend faire élire son héros, mais elle n'est pas encore prête. Avec en fait, toute une machine. Il lui manque la machine, et cette machine se met en place dans les années 70. Cette machine, elle s'appuie sur une base qui est extrêmement engagée. L'historien français Romain Huret parle d'une base qui a la politique chevillée au corps. Hein. Donc elle vit sa politique chaque jour, au travail, à l'école, à la maison, dans les associations de quartier. La base est en train de prendre ses racines, la base conservatrice, dans l'ouest, dans le sud. Le conservatisme émergent s'appuie sur toutes sortes de journaux, magazines comme le National Review, le Wall Street Journal. Elle s'appuie sur des fondations, dont la plus célèbre, la Heritage Foundation, créée en 1973 avec l'argent de l'anti-syndicaliste et héritier Coors, hein, Joseph Coors, qui donne $300,000 la première année pour mettre en place cette fondation qui doit permettre de populariser l'idée selon laquelle le problème aux États-Unis, c'est le gouvernement. Ouais. Et il faut encore attendre, en fait, 7-8 ans avant que, finalement, cette idée triomphe en 1980 avec l'élection de Reagan. Et puis, il y a quelques conflits qui incarnent bien aussi l'organisation, la montée et l'organisation de cette nouvelle droite américaine, la question de la légalisation de l'avortement, la bataille autour de l'Equal Rights Amendment, l'amendement sur l'égalité des droits entre hommes et femmes. Ça, c'est un très, très bel exemple, cette bataille-là, sur ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis. Absolument. Vous dites bataille, on parle dans l'historiographie de guerre des cultures. En fait, l'Amérique entre dans une période de guerre des cultures autour de l'homosexualité, de la pornographie, du droit des femmes. En effet, les femmes sont illégales aux hommes. Le Congrès adopte enfin, en 1972, un amendement sur l'égalité entre hommes et femmes, et cet amendement n'est jamais ratifié par le nombre d'États suffisant. Hein, il faut, en fait, jusqu'en 1982, les États tentent de ratifier cet amendement, mais ils n'y parviennent pas parce que, finalement, la base conservatrice s'organise. La base conservatrice s'organise notamment autour d'une femme qui s'appelle Phyllis Schlafly, grande femme d'affaires, oratrice, et qui met en place une organisation intitulée Stop ERA, hein, afin de s'opposer à l'adoption de cet amendement. Et l'argument que Phyllis Schlafly et d'autres mettent de l'avant, c'est que les femmes ont une place différente dans la société. Dieu a voulu que les femmes jouent un rôle bien spécifique, un rôle à la maison. Et donc, il est tout à fait inconcevable que hommes et femmes soient considérés comme des êtres égaux aux yeux de la Constitution américaine. Ça, c'est assez incroyable que ce soit une femme qui soit le général en chef de cette bataille-là. Mais enfin, fermons cette parenthèse. Arrivent les années Reagan, finalement, diraient les militants de cette machine de droite qui est en marche depuis quelques années. Ça va être vraiment un point tournant, un vrai point tournant, l'élection de Reagan. Pourquoi? D'abord, dans quel contexte? Avant de parler de ce que ça va vouloir dire, le Reaganisme, dans quel contexte il est élu? Reagan arrive dans un contexte de crise majeure. Les années 70 aux États-Unis sont des années de crise. Crise économique, de stagnation et d'inflation, crise de désindustrialisation, crise urbaine, crise politique avec le scandale du Watergate, crise au niveau de la politique étrangère, échec retentissant au Vietnam, échec en Iran à la fin des années 70. Donc Reagan arrive enfin comme celui qui va redonner à l'Amérique sa grandeur et il promet en 1980 Make America great again. De rendre à l'Amérique en effet ce qui a fait de l'Amérique une terre promise au fond. Donc c'est le retour vers le passé, Reagan. C'est la figure du cowboy, c'est la figure du héros rassurant qui propose à l'Amérique de retourner à ses valeurs traditionnelles, conservatrices. Et ces valeurs sont incarnées dans la culture populaire par deux séries très célèbres que les auditeurs et auditrices connaissent peut-être. Happy Days, qui passe de 74 à 84, et La petite maison dans la prairie, de 74 à 82. Voilà l'Amérique qui triomphe en 1980. Dallas qui suivra. Dallas, bien sûr. Ce libéralisme à tout craint, cet individualisme, cette obsession de la richesse, c'est le reflet de ces valeurs conservatrices des années 80. Très, très concrètement, ce virage de droite sous Reagan, ça veut dire quoi? Politiquement, économiquement? Mais d'un point de vue économique, c'est le triomphe de la politique de l'offre. Le gouvernement doit désormais soutenir non pas la demande, c'est-à-dire les consommateurs, mais plutôt les entreprises. Et comment est-ce que ça se traduit? D'abord en 81 et ensuite en 86, par deux très importantes réformes fiscales qui aboutissent à une réduction très importante des impôts pour les plus riches. Exactement comme la réforme récente qui a été adoptée par Donald Trump et le Congrès républicain. Alors, d'un point de vue économique, voilà comment cela se traduit. Socialement, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de l'émission Dallas, les années Reagan sont des années où l'on valorise l'individualisme, la richesse, le luxe, où il n'est plus question de redistribuer les richesses, il n'est plus question de lutter contre les inégalités. Souvenez-vous de la guerre contre la pauvreté de Lyndon Johnson. Reagan ne se soucie absolument pas de lutter contre la pauvreté, alors que le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter dans les années 80 sous sa présidence. C'est George Bush père qui succède à Reagan. Un tout petit mot sur la place qu'il occupe dans cette histoire de la montée du conservatisme aux États-Unis. C'est l'héritier naturel de Reagan, alors que les deux s'opposent de manière frontale en 1980. Mais en 88, c'est l'héritier tout à fait naturel. Bush connaît finalement, n'est pas réélu en 1992. C'est un président un seul mandat qui connaît un très très grand succès sur le plan de la politique étrangère grâce à son succès en Irak. Mais par contre, il connaît la déconfiture sur le plan économique, récession en 90-91, parce que Reagan lui a confié toutes sortes de déficits budgétaires qui ont causé la récession économique. Donc il échoue contre Clinton pour des raisons économiques. Donc Clinton reprend le pouvoir. Techniquement, l'Amérique plus progressiste est de retour, mais il y a quelque chose de trompeur là-dedans. Sous cette administration de Bill Clinton, l'administration démocrate, va s'amplifier le virage à droite des États-Unis, Jean-Pierre Leclerc. Absolument. Oui, l'échiquier se déplace encore plus à droite lorsque Clinton est élu en 92. Clinton incarne la droite du Parti démocrate qui tente à prendre le dessus à partir de 1984 lors de la défaite de Walter Mondale contre Ronald Reagan. Le Parti démocrate estime que pour gagner les élections, pour regagner les élections et pour regagner le cœur de la classe moyenne, de la Middle America, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il faut accepter d'être à la fois progressiste et conservateur. Clinton est la figure parfaite. C'est un baptiste favorable à la peine de mort. Il est très pragmatique sur le plan de la politique étrangère. Il est favorable au libre-échange. Donc, finalement, avec Clinton, c'est la droite aussi qui pénètre à l'intérieur du Parti démocrate. Et ça en dit beaucoup sur la force qu'a cette droite dans ce pays à ce moment-là, puisque même la gauche, entre guillemets, même les démocrates sont teintés de cette fibre plus conservatrice. Il y aura un grand, grand coup aux élections de mi-mandat de 94. Pour la première fois depuis 1954, le Congrès va redevenir à majorité républicaine. Et l'un des grands architectes de cette victoire de mi-mandat de novembre 94, c'est Newt Gingrich, que nous présente Julie Miville-Dechaîne dans ce reportage diffusé à la fin décembre 1994. Pour bien des Américains, l'homme de l'année que le magazine Time aurait dû choisir, ce n'est pas le pape, mais Newt Gingrich, le républicain le plus en vue, qui promet rien de moins qu'une révolution. Let's rethink the entire federal government. Gingrich, sans doute le principal artisan du raz-de-marée républicain du 8 novembre, est un personnage controversé. Il prétend que l'État-providence est responsable de la décadence de notre civilisation. With 12-year-olds having babies, 15-year-olds killing each other. Quand des filles de 12 ans ont des bébés, que les garçons de 15 ans s'entretuent et que ceux de 17 ans ont le sida, la civilisation s'écroule. La solution de Newt, priver les mères célibataires adolescentes de bien-être social et, s'il le faut, mettre leurs enfants dans des orphelinats. Dans le contrat avec l'Amérique qu'il a rédigé avant les élections, Newt Gingrich a amené son parti à promettre de réintroduire la prière à l'école. 2 ans d'aide sociale au maximum et des réductions d'impôts massives pour ceux qui travaillent. Tout cela en 100 jours. We are not going to subsidize people who fail to get a job. Mais ce sont ces attaques féroces qui ont fait connaître Gingrich. Il a traité les Clinton d'élitistes, d'ennemis des gens normaux, embauchant des drogués à la Maison-Blanche. Newt Gingrich est représentant au Congrès depuis 1978, mais jamais il n'a eu autant de visibilité. Les réformes qu'il propose pour réduire les coûts de l'aide sociale sont très populaires auprès de la classe moyenne. Julie Miville Deschênes, à Washington. Quelle importance il aura, Newt Gingrich, Jean-Pierre Leglenec, dans la renaissance, dans le durcissement aussi, sur le plan du conservatisme de cette droite américaine? Je dirais durcissement et durcissement de la polarisation. Ouais. On vient d'entendre que Gingrich est élu donc dans la région de, enfin en Géorgie, à la fin des années 70, c'est-à-dire peu avant l'arrivée au pouvoir de Reagan. Gingrich et Reagan vont ensemble, vont de pair. Hein. Donc lorsque Gingrich l'emporte en 1994, c'est l'Amérique anti-gouvernement qui l'emporte. C'est l'Amérique de la privatisation. Et c'est l'Amérique des valeurs conservatrices chrétiennes qui l'emporte. C'est l'Amérique des born again Christians. Hein, la prière à l'école, c'est un sujet qui est débattu aux États-Unis depuis le début des années 70. Alors voilà toute l'importance qu'il a. Mais je dirais que son importance réside surtout dans le fait que dans les 2 ans qui s'écoulent entre 94 et 96, Bill Clinton vole à Gingrich et aux Républicains la plupart de leurs idées, la plupart de leurs idées qu'il est capable de mettre en application. Donc finalement, les idées de Gingrich sont traduites par le Parti démocrate, en particulier une réforme, la réforme de l'aide sociale que voulaient à tout prix passer les Républicains. Ce sont les démocrates qui la proposent. Terminons cette émission en bouclant la boucle. On écoutait Donald Trump au tout début. Où se place George W. Bush, par exemple, qui sera élu en 2000? Il y aura la parenthèse Obama. Puis Trump dans cette histoire de la montée du conservatisme aux États-Unis. J'ai envie de dire, pour résumer, qu'à travers ces deux figures, l'échiquier se déplace à droite une première fois en 2000, une deuxième fois en 2004 avec la réélection de Bush, et puis enfin en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de Trump. Bush, fils, avait promis une Amérique plus... avec davantage de compassion, une Amérique plus juste, une Amérique réunie. Or, de 2000 à 2008, il gouverne à l'extrême droite, ouais, en s'appuyant notamment sur le vote évangélique, qui est très important, sans qui on ne peut pas comprendre sa victoire en Floride en 2000 et dans l'Ohio en 2004. Ouais. Et Trump, eh bien écoutez, on est vraiment rendu à l'extrême droite, on est rendu dans la droite extrême, comme l'ont bien montré les cris racistes et antisémites de la droite dite alternative et des suprémacistes blancs en août dernier. Jean-Pierre Leglenec, c'était fascinant, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.